مسخ الله بعض اليهود كردة وذلك لأن الكردة يشبههم يشبهون في الظاهر الإنس وهم ليسوا منهم وكذلك اليهود في تحاليهم على المحرم فإن أعمالهم تشبه الحق في الظاهر وهي في الباطن باطلة وهذه العلة جميلة إلا دي pourquoi est-ce qu'Allah عز وجل a changé les يهود en singes car le singe ressemble beaucoup à l'homme à tel point que des gens ont cru qu'on descend du singe te dire c'est ça quand tu regardes le singe la direction on dirait un homme des fois comment il se comporte mais le singe ne fait pas partie de l'homme c'est une autre race contrairement à ce que disent les ensembles darwinistes on n'a aucun lien avec le singe d'accord et parmi les preuves les animaux qui ont des ancêtres antérieurs ont évolué et ces ancêtres ne sont plus présents. Et le singe, aujourd'hui, existe et nous aussi. Adib, le singe, il est comme ça et nous, on est comme ça. Comment ça se fait? Voilà. Qu'Adib, c'est venu par... C'est-à-dire, vraiment, l'évolution a fait que l'homme est devenu intelligent, il parle, il construit, il fabrique, il organise, il contrôle, on va dire, le monde. Et le singe, on a un ancêtre, comme ils appellent ça, un primate, ancêtre commun, et lui, c'est devenu un animal sans raison. Pourquoi? Pourquoi? Et les autres animaux, on ne trouve pas leur... Ils ont trouvé des animaux, par exemple, des ancêtres des félins, ancêtres des requins, ancêtres des oiseaux. Ils ne sont plus là, eux. Ils ont disparu. Avec l'animal actuel est toujours présent. Donc pourquoi ce singe, il est encore là, nous on est encore là? Et pourquoi on peut faire tout ce qu'on fait nous, il ne peut pas le faire? Si on a un point commun. Parce que ce que les ancêtres des animaux présents actuellement faisaient, ils le font aujourd'hui également. Ils sont peut-être plus petits, mais les caractéristiques sont les mêmes, approximativement. Pourquoi le singe est si différent de nous? D'accord? Ce qui prouve que le singe nous ressemble, naam, mais il n'est pas de nous. Ne sont pas de lui. C'est une race animale à part. D'accord? C'est une race animale à part. Et même eux, on regarde le singe. Nous, les êtres humains, bien qu'on ait des ethnies différentes, on est tous pareils. Notre morphologie, en moment, elle est la même. Un blanc, un noir, taïeb, un rouge. Demain, t'enlèves, on va dire, la peau. Et tu regardes juste l'intérieur, il n'y a pas de différence. Le squelette, c'est le même. La masse musculaire, c'est la même. Le système yani sanguin, c'est le même. Tout est pareil. Parmi nous, il y a des grands. Parmi nous, il y a des petits. Parmi nous, il y a des gros. Parmi nous, il y a des maigres. Parmi nous, il y a des différentes formes. Et même dans chaque ethnie, chez les blancs, tu as des grands, tu as des petits. Chez les noirs, tu as des grands, tu as des petits. Chez les rouges, tu as des grands, tu as des petits. Ainsi de suite. Notre dentition, elle est la même. Notre alimentation, elle est la même. Notre mode de vie, il est le même. Vous voyez? Le singe, regarde, il y a combien d'espèces de singes? Plein d'espèces de singes. Pourquoi nous, on est une seule espèce humaine, et le singe, plusieurs espèces? C'est un singe, mais tu auras le gorille, tu auras le chimpanzé, tu auras le babouin, tu auras le ouistiti, tu auras le macaque, tu auras le... Comment ils appellent ça, là? Bon, bref. Vous avez compris. Les singes, il y en a plein. Et ils ont tous, pour beaucoup, des points différents. Ah, le rotan, voilà, c'est ça, c'est le rotan. Regarde comment ils sont. Ils sont différents. Vraiment, physiquement et dans leur attitude et dans leur environnement. Il y a des singes, je ne vais pas trouver dans cet endroit, par rapport à d'autres. L'être humain peut aller partout. Même si on dit que l'Africain, à la base, vient d'Afrique, il peut aller vivre au Groenland, si tu mets les vêtements qu'il faut. Et celui du Groenland, tu peux le mettre en Afrique. Il fait chaud, mais il va pas mourir de chaleur. D'accord? Mais tu as des animaux, tu changes d'environnement, ils ne tiennent pas. Il n'y aura pas la nourriture qu'il leur faut. Il n'y aura pas l'environnement naturel qu'il leur faut. Sauf si l'être humain est là pour le donner. D'accord? Donc pourquoi cette différence? On a l'ancêtre commun. Nous, on est resté un. Et eux sont devenus je ne sais pas combien. Et malgré tout, c'est des animaux sans raison. Et l'être humain est avec une raison. Et ça, ils ne pourront pas t'expliquer. Parce que Allah Azza wa Jalla a créé de Adam, d'un homme et d'une femme. Et Adam est venu créer une forme humaine directement. Et Adam est le plus beau des hommes. Et l'homme a créé un main, dans le Jannah, on va rentrer à l'apparence de Adam. Pas l'apparence de ton primate là. Comme tu le dis. Et ce primate là, en plus, il est meilleur que ce Koufa. Le primate, il sait c'est qui son seigneur. D'accord? Alors que lui, il ne sait pas c'est qui. Ou plutôt, il ne veut pas savoir c'est qui. Donc leur théorie, elle ne tient pas debout. Mais ils vont venir avec des grands discours. En plus, ils sont orgueilleux, ils sont insolents. Et au final, tu dis... Même chez eux, des darwinistes, on fait non. À chaque fois, en fait, ils disent, on a fait une nouvelle découverte. On a fait une nouvelle découverte. Alors, vous allez dire, vous savez rien du tout. Nous, en religion, il n'y a pas de nouvelle découverte. On sait ce qu'on a à savoir. Maintenant, dans le côté, tout ce qui est science physique, ouais, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais la révélation, il n'y a plus de découverte. Le livre, il est là. La sunna, elle a été, Mudawwana, elle est là, rien de nouveau. L'histoire de l'homme, on la connaît. Il n'y a rien de nouveau. L'histoire de l'homme est confirmée par les trois religions aujourd'hui principales. Donc une seule est la véritable, c'est l'islam. Vous voyez, la Bible le confirme. D'ailleurs, dans le Coran, dans le Torah, c'est confirmé dans la Genèse. Et dans l'Évangile également, c'est confirmé. Là, si on est unanime. D'accord, on est unanime. Et tout cela est bien plus ancien que leur découverte qu'eux ont faite.